Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Bring back our girls, rendez-nous nos filles. Le slogan s'est répandu à toute vitesse dans le monde entier tant l'enlèvement par la secte Boko Haram de plus de 200 jeunes filles nigérianes promises à devenir des esclaves a choqué l'opinion internationale. Au-delà de la mobilisation de quelques belles âmes, cet événement spectaculaire a, semble-t-il, été l'occasion d'une véritable prise de conscience. Les dirigeants de la région réunis à Paris et aiguillonnés par les grandes puissances occidentales ont enfin réalisé qu'ils devaient réagir collectivement pour juguler le danger que représente ce mouvement terroriste qui sévit à leurs frontières. Une réaction certes légitimée par la peur de la contagion islamiste, mais une réaction bien tardive. Boko Haram, au moins depuis 2009, a déjà causé la mort de milliers de personnes. Et pour le seul début de cette année, le bilan s'établit à 2000 morts. Aujourd'hui donc, il ne se passe guère de jours sans qu'on apprenne qu'un nouveau massacre a été perpétré par la secte, encore 400 morts la semaine dernière. Monsieur X a déjà évoqué Boko Haram. S'il m'a proposé de revenir sur ce sujet, c'est bien sûr à cause de l'actualité, mais aussi parce qu'il lui restait à livrer un certain nombre de vérités embarrassantes. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je voudrais commencer par un fait dont on a très peu parlé, un fait très récent, il y a un mois. Alors que le monde entier réclamait le retour des lycéennes enlevées par Boko Haram, des soldats nigériens se sont révoltés contre leurs supérieurs dans la ville de Maiduguri, c'est-à-dire la capitale de l'état de Borno. un état qui est un des fiefs de Boko Haram. Oui, mais c'est là que se trouve l'école des jeunes filles enlevées. Hein. Et que voulaient ces mutins ? Ils protestaient contre leurs officiers accusés de gabegie et de détournement de fonds. Et c'est allé assez loin puisque des rebelles ont même ouvert le feu sur l'auto du commandant de district. Mmh. Et derrière ces protestations, y a-t-il un fond de vérité ? Ah bien sûr ! L'armée est gangrénée par la corruption. Je ne vous donnerai qu'un chiffre malheureusement éloquent. Alors que la lutte contre Boko Haram est considérée par le gouvernement comme une priorité absolue, les forces armées présentes au nord du pays, c'est-à-dire dans les trois États où sévit la secte, ne reçoivent que 2 millions de dollars par mois. Alors que le budget nigérien de la sécurité, qui constitue un quart du budget fédéral, est énorme. Plusieurs milliards de dollars. Ouais, alors on peut se demander où va réellement l'argent. Hein. Oh, bah, la réponse est très simple. Il va directement dans la poche des dirigeants corrompus. Ouais, c'est au détriment de la lutte contre Boko Haram. Bah, c'est la triste vérité. Autre pénible constat. L'armée, quand elle agit, le fait avec une extrême brutalité et sans grand discernement. Conséquence, les populations des campagnes refusent d'aider l'armée et certains finissent même par rejoindre les rangs de Boko Haram. Ouais, une action contre-productive par conséquent. Ah oui, trop souvent. Ça explique aussi pourquoi les forces de sécurité sont tenues en échec. Parce que les habitants, témoins des exactions des militaires, refusent de coopérer avec eux. Et s'abstiennent de leur donner les renseignements. Ben, c'est évident. Mmh. Autre question troublante. Le mouvement islamiste semble disposer de moyens toujours plus importants. Des armes modernes et même des véhicules blindés. Et pourtant, ces équipements échappent aux recherches de l'armée. C'est étrange, non ? Quelle conclusion tirez-vous alors ? Il n'y en a qu'une. Boko Haram dispose de complicité à l'intérieur même des forces armées nigériennes. D'autre part, on doit se poser la question du financement et de la provenance de ces armes. Bon, mais alors vos réponses ? Pour la provenance, il faut à nouveau évoquer les formidables arsenaux libyens qui ont permis à tous les terroristes du Sahel de venir se servir après le désordre introduit dans le pays par l'intervention franco-britannique. Quant au financement, bah, les sources les plus évidentes semblent être des ONG islamistes et peut-être même indirectement quelques monarchies du Golfe. Oui, qui sont en même temps les meilleurs amis des gouvernements occidentaux. Autre donnée importante, pour pallier l'incapacité notoire des militaires dans leur combat contre la secte, le gouvernement nigérian a créé et armé des milices civiles. Mais si celles-ci se révèlent parfois efficaces, elles déchaînent la fureur de Boko Haram qui, pour se venger, détruit des villages entiers et massacre les habitants. Ouais. Pour commencer, enfin, même si je sais que nous en avons parlé il y a peu de temps, d'où vient Boko Haram et quelle est la signification de cette appellation ? Boko est un mot pidgin, issu de book. Ouais, le livre. Hein. Ouais. Puis le pidgin étant une langue usuelle, hein, un mélange d'anglais et de langues autochtones existant dans les anciennes colonies britanniques. Quant à haram, en arabe, ça signifie interdit. Livre interdit, donc. Et c'est une référence à la doctrine de cette secte qui proscrit l'enseignement occidental considéré comme impur. Oui, à la différence de l'enseignement dispensé par les imams. Hein. D'ailleurs, le nom officiel de Boko Haram est « le peuple engagé dans la propagande de l'enseignement du prophète et du djihad ». Ces gens-là sont partisans de l'application systématique de la charia. Attends, pourtant, les populations des États nigérians du Nord sont déjà soumises à la oui, charia. Oui, mais les extrémistes de Boko Haram considèrent que cette charia n'est pas appliquée assez rigoureusement. Et ici, il faut tout de suite remarquer que si les combattants de la secte se sont d'abord systématiquement attaqués aux chrétiens qui vivent dans le Nord, ils ont aussi fini par tuer des musulmans et même des imams. Ouais, pas assez fondamentalistes pour eux. C'est ça, oui. Et coupables, par exemple, d'envoyer leurs filles à l'école. Alors que Boko Haram prône que celles-ci ne doivent pas avoir accès à l'enseignement. Mmh. Oui, ça explique aussi l'enlèvement des lycéennes. Hein. Naturellement. Mmh. Alors, avant d'en venir aux origines de Boko Haram, il faut d'abord observer que la violence est pratiquement inhérente à l'histoire du Nigeria. La dernière dictature, qui a été particulièrement féroce, a pris fin il y a seulement une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, le pouvoir n'a pas vraiment soldé cette période. Que voulez-vous dire là ? Eh bien, ce n'est qu'un exemple. L'une des principales avenues d'Abuja, la capitale, porte toujours le nom du général Sani Abacha, un tortionnaire psychopathe qui a régné plusieurs années par la terreur. Alors, la jeunesse de Boko Haram ? Bah, pour bien comprendre, il faut d'abord tenir compte de la situation économique du Nigeria. Ce pays africain, le pays le plus peuplé du continent, est aussi le plus important producteur africain de pétrole. Mais cette considérable richesse énergétique génère bien des problèmes, car elle accentue les divisions du pays. Parce que le pétrole est extrait au sud. Hein. Le sud chrétien, tandis que le nord est généralement musulman, d'où un sentiment d'injustice, car il n'existe pas de réelle péréquation de la manne pétrolière. Ce que réclament les États du Nord. Bien sûr, car ce sont ces États qui sont les plus pauvres et les moins développés. Et cela dans un pays où 60% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Malgré l'abondance de la production pétrolière. Malheureusement, oui. Car cette manne pétrolière, comme dans de nombreux autres pays du tiers-monde, est une vraie malédiction tant elle a généré d'inégalités. À tel point que certains économistes estiment que la plupart des Nigérians sont plus pauvres qu'en 1960, à l'heure de l'indépendance. Ouais, car les pétrodollars n'ont profité qu'à une minorité, enfin, c'est celle qui détient le pouvoir. Et c'est encore plus flagrant dans l'état où est né Boko Haram, le Borno, où plus de 80% des jeunes sont illettrés, et où la population est délaissée par le pouvoir fédéral. Non seulement l'agriculture, autrefois si prospère, est en difficulté à cause de la sécheresse qui frappe la région, le lac Tchad ne cesse de se rétracter, mais les infrastructures sont négligées, les routes, l'approvisionnement en eau et en électricité, l'accès à la santé et à l'éducation, tout va à volo, et beaucoup trop de Nigérians sont laissés sur le bord du chemin. Alors ce n'est peut-être pas un hasard si ce mouvement fondamentaliste est apparu dans cet état de Borno. Bien entendu, ajoutez l'ignorance à la misère. Et vous avez là un terreau fertile pour le développement des idées les plus obscurantistes. Ou fanatiques. Alors, comment cela a-t-il commencé? À la fin des années 70, on voit apparaître au Nigeria le mouvement Izala. Des gens qu'on va bientôt appeler les éradicateurs. Pas très rassurant, hein? Il s'agit d'un courant salafiste, né à la fin des années 70, qui prône un renouveau religieux accordant à l'islam un rôle plus politique. En ce sens, il s'oppose à l'islam traditionnel de la région, un islam soufi. Ouais, donc plutôt tolérant. Oui, les seules manifestations extérieures de leur confrérie consistent en pèlerinages où les fidèles en appellent à l'intercession des saints. Ouais, mais est-ce que les salafistes assimilent à une hérésie? Ah oui, on l'a constaté à Tombouctou, où les islamistes, quand ils ont pris possession de la ville, s'en sont pris au mausolée des saints. En tout cas, Izala a gagné en popularité durant toute la décennie 80. Mais il s'est ensuite affaibli, parce qu'il a été mis en cause dans des affaires de corruption financière. Toutefois, un autre mouvement fondamentaliste a rapidement pris le relais sous la houlette d'un jeune prêcheur, Maroua, venu du Nord Cameroun. Il a rassemblé des disciples à Kano, la grande métropole du nord du pays. Avec quelles idées, alors? Maroua s'est présenté comme un libérateur, refusant de reconnaître une quelconque légitimité aux autorités civiles. Il a aussi violemment dénoncé l'influence occidentale et d'une façon générale le modernisme. Il est allé jusqu'à interdire à ses disciples le port de montres. Plus sérieusement ou dangereusement, il a poussé le sous-prolétariat où il a recruté ses adeptes à se révolter. Et déjà, ça s'est traduit par des émeutes sanglantes dans les grandes villes du Nord. Oui, mais c'était alors le temps de la dictature au Nigeria. Hein. Et les militaires ont réagi avec une extrême violence. À Kano, on a comptabilisé 4000 morts, dont Maroua lui-même. C'en était fini de ce mouvement islamo-politique. Mais le terrain était préparé pour la naissance de Boko Haram. Dans une interview accordée à Libération à la fin du mois de mai, le président du Niger voisin, Mamadou Issoufou, a analysé avec perspicacité les raisons qui expliquent l'existence même de Boko Haram. Extrait. La pauvreté est l'allié principal du terrorisme. La plupart de ses recrues sont des jeunes déclassés, au chômage. Ce groupe a commencé à s'implanter dans les villages. Ses premiers dirigeants, qui étaient des urbains, avaient lancé un appel au retour à la terre et c'est ainsi qu'ils se sont constitués, au début des années 2000, une base socio-économique, en ciblant les gens qui étaient exclus des réseaux d'affaires et administratifs au Nigeria. Boko Haram est un mouvement rural en rupture avec les élites politiques et religieuses traditionnelles, avec un islam notabilisé, instauré à la fin du XVIIIe siècle et qui avait cours dans toute la région jusque dans les années 70, où sont apparus de nouveaux courants religieux radicaux venant de l'étranger. Le nouveau gourou islamiste qui monte dans les années 2000 au Nigeria s'appelle Mohamed Youssouf et c'est le fondateur de Boko Haram. Alors d'où vient-il ? Ce tout jeune homme est né au début 1970 dans l'état nigérian de Yobe, voisin de celui de Borno. Il a quitté l'école primaire au bout de 3 ans et n'a bien sûr jamais réussi à faire des études supérieures. Ça explique sa rancune tenace vis-à-vis des gens éduqués et plus généralement des intellectuels. Cependant, s'il n'a pas suivi des études classiques, il a fréquenté les écoles coraniques du Tchad et du Niger. Et surtout, c'est un prêcheur charismatique et virulent qui revient chez lui dans les années 90. Un meneur d'hommes ? Incontestablement. Car très vite, il bénéficie d'une large audience. Alors, que prêche-t-il, lui ? Youssouf réclame une application stricte de la loi islamique conformément aux préceptes du prophète. C'est la charia. Oui, et lui aussi rejette tous les produits de la modernité comme certaines denrées issues de l'industrie agroalimentaire, le cube magie par exemple, ou encore les berlingots de lait très appréciés sur tout le continent. Et sur le plan politique, Youssouf refuse la participation aux élections et critique violemment les autorités fédérales d'Abuja. Et lui, où installe-t-il son QG ? À Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, c'est-à-dire à l'extrême nord du Nigeria. À la frontière du Tchad. Oui, enfin nord-est exactement. Et proche de la pointe nord du Cameroun. Il officie alors dans la mosquée du mouvement Izala, qui appartient à un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans le pétrole. Youssouf n'a donc pas rompu avec les institutions islamiques. Pas encore, non, mais il va se faire chasser de sa mosquée, car il ne possède pas les diplômes requis par le cursus coranique saoudien. Oui, ça va précipiter sa radicalisation. Forcément. Alors, essayons de résumer sa pensée telle qu'il l'exprime dans ses prêches enflammées. C'est d'abord l'Occident qui est l'ennemi, à commencer par l'école dont l'enseignement reste imprégné de la culture de l'ancien colonisateur britannique. Youssouf l'accuse de détruire la doctrine islamique. Pour lui, elle serait ainsi plus néfaste que ne le furent les croisades. Et c'est aussi une position anticolonialiste. C'est en effet une donnée importante, mais Youssouf se pique aussi de philosophie, de science. Ainsi, il critique pêle-mêle le darwinisme, la théorie du Big Bang, l'existentialisme et la psychanalyse. Et il accuse les géographes d'enseigner les planètes d'un système solaire qui ne correspond pas aux 7 paradis décrits par le Coran. Cependant, bien sûr, ses critiques les plus vives sont dirigées vers les professeurs de droit ou de sociologie qui, selon lui, remettent en cause la primauté de la loi religieuse et de la famille traditionnelle. Et sans surprise, Youssouf condamne aussi la mixité des sexes et le relâchement des mœurs. Ouais, ça va de soi. Et dans le même esprit, il se prononce contre l'utilisation du calendrier grégorien et la pratique du sport. Ah, le sport. Pourquoi le sport ? Parce qu'il distrait de la religion. Mais vous l'avez compris, ce sont surtout les écoles publiques nigérianes qu'il vitupère et dont il exige même la fermeture. Ouais. Pour autant, Youssouf est-il totalement passéiste et conservateur ? Pas tout à fait. En parfaite contradiction avec ses attaques contre le modernisme, il reconnaît les bienfaits de certains outils technologiques comme les téléphones, les ordinateurs, Internet ou le fax. Ah oui, mais d'abord parce qu'il les utilise. Ah c'est exactement ça. Non, ce qu'il récuse, c'est qu'on vénère les auteurs de telles inventions. Car pour lui, c'est Allah, créateur de toutes choses, qui les a inspirées. Complètement hypocrite, hein. Évidemment. Mais Youssouf est coutumier de ces contradictions. Ainsi, s'il s'en prend aux forces de sécurité, aux chefs traditionnels religieux et aux autres mouvements islamistes suspectés de collaborer avec les autorités, il n'hésite pas à frayer avec un politicien local qui monnaie ses services et son influence pour se faire élire gouverneur du Borno. Il y a donc des petits arrangements avec les principes. Et lui aussi, j'imagine qu'il doit exiger l'application de la charia dans son état. Mais une application encore plus stricte, surtout en matière pénale, car elle est déjà en vigueur dans le domaine civil. Et ici, il faut remarquer qu'en cela, il épouse les aspirations d'une partie de la population désillusionnée qui attendait beaucoup de la fin de la dictature militaire. Ouais, parce que la transition démocratique de 1999 n'a pas répondu à son attente. Et en particulier dans la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Par conséquent, ces gens pensent que seule une charia rigoureuse pourra mettre fin à la corruption effrénée qui gangrène les institutions et le personnel politique. Mais concrètement, comment Youssouf là, et ses partisans passent-ils à l'action ? Des partisans qu'on appelle souvent des talibans. Ah oui, une référence directe à l'Afghanistan. Alors. Oui, parce qu'il paraît que le relief de la région où ils opèrent ressemble beaucoup à celui de l'Afghanistan. Ouais. Est-ce que cela veut dire que Boko Haram est passé à l'action violente alors ? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. En 2002, la date généralement retenue comme véritablement fondatrice du mouvement Boko Haram, dans l'état du Yobe, voisin du Borno, quelques-uns de ses disciples, parmi les plus extrémistes, fondent une ferme collective, la cité céleste, comme ils l'appellent. Cité céleste, un exemple de société collectiviste et islamiste ? En effet, mais ça commence assez mal. D'abord parce que ces fondamentalistes ne sont pas assimilés par la population locale qui les soupçonne d'avoir monté en réalité un camp d'entraînement. Et ensuite, parce qu'à l'automne 2003, la cité céleste est attaquée par des milices au service du pouvoir local. Conséquence, à leur tour, après avoir mis la main sur des armes, ces militants se vengent en mettant à sac des commissariats de police et des écoles primaires, tant et si bien qu'ils finissent par être expulsés de l'État. Mais oui, mais où vont-ils alors ? Au Borno. Ouais. Dans le fief de Youssouf. Oui, mais l'important est que désormais, l'engrenage de la violence est enclenché. Et celle-ci ne cessera plus jamais, jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il faut observer que malgré la radicalité de ses positions, Mohamed Youssouf essaie assez discrètement d'entrer dans le jeu politique local. Ce qu'il a déjà fait en aidant le gouverneur à se faire élire. Là. En avril 2003, oui. Mmh. Et ce politicien, un certain shérif, lui a promis en retour une application plus stricte de la charia. Et une fois élu, il commence par nommer un membre de Boko Haram ministre des affaires religieuses de l'État. C'est une sorte de consécration de la secte. Oui. Ça, hein. Et installée à Maïdougouri, la capitale, elle dispose maintenant d'une mosquée et d'une école. Le charisme de Youssouf aidant, ces deux institutions attirent les jeunes désœuvrés des quartiers pauvres, mais aussi les étudiants déclassés et les petits fonctionnaires paupérisés. Youssouf joue donc sur le ressentiment de ces populations. Ah oui, qui se sentent abandonnées par les élites, le pouvoir central et les policiers fédéraux corrompus et brutaux. Mmh. Et à l'époque, d'où vient l'argent ? Il y a d'abord les cotisations des fidèles de la mosquée. Mais bientôt, quand en 2003-2004, la secte devient très populaire dans tout le nord-est du pays, Boko Haram commence à recevoir une aide financière du gouverneur du Borno. Qui achète les voix de ses membres en vue des futures élections, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et ces fonds dispensés par le gouverneur et certains de ses collègues du Nord-Est continueront d'être versés jusqu'en 2007, voire même 2009, alors que la secte aura depuis longtemps basculé dans le terrorisme. Alors quand la situation dégénère-t-elle et pourquoi ? D'abord, les relations personnelles entre le gouverneur et Youssouf deviennent de plus en plus tendues. Ensuite, il y a la violence. En octobre 2004, un groupe de Boko Haram se lance à l'attaque d'un convoi de 60 policiers à la frontière du Tchad. 12 agents y perdent la vie. Conséquence ? À Abuja, la capitale fédérale, les services de renseignement nigérians commencent à s'inquiéter. On le serait à moins. Hein. Toutefois, en même temps, le pouvoir fédéral est confronté à l'insurrection dans le delta du Niger où des rebelles menacent la ressource pétrolière. Ouais, d'où un certain manque d'intérêt pour les événements du Nord. C'est ça. Youssouf est néanmoins arrêté, mais il est rapidement relâché. En avril 2007, le président Oumarou, un nordiste, succède à Obasanjo. Et lors de la campagne électorale locale qui s'ensuit, le chef de Boko Haram fait encore preuve de l'ambiguïté de ses convictions en apportant son soutien au candidat de la majorité présidentielle. Mais manque de chance, c'est son ancien ami shérif qui gagne. Et dès son élection, c'est la guerre avec Boko Haram. Dès lors, la secte entre dans une quasi-clandestinité, tandis qu'au niveau fédéral, les autorités semblent décidées à agir. Ouais, contre Boko Haram. Mmh. Et malgré alors, le soutien que la secte a apporté directement au président nordiste Oumarou. Oui, donc tout au long de l'année 2008, la tension monte. Mais le pire est à venir. En juin de l'année suivante, alors qu'ils suivent l'enterrement de 4 militants morts dans un accident de la route, des fidèles de la secte sont interpellés par la police d'État, au motif qu'ils refusent de porter des casques de moto pour des raisons religieuses. Il y a rébellion, bagarre, les policiers tirent dans le tas, en relève 15 morts. Voilà, la brutalité de la police est inouïe. Hein. Ça se traduit par des échauffourées qui durent une partie de la nuit. Naturellement, Youssouf annonce sur Internet qu'il vengera ses disciples. Le 26 juillet, Boko Haram lance une vaste offensive dans 4 états du Nord. Des banques, des commissariats sont attaqués. Mais la police fédérale réplique avec sa violence habituelle. On retrouvera dans une fosse commune 700 à 800 dépouilles. Et parmi elles, le corps de Youssouf. Comment a-t-il été tué ? Il a été abattu de sang-froid avec 2 de ses commandants, alors que les 3 hommes se trouvaient en garde à vue. Un assassinat, donc ? Oui, pour les siens, Mohamed Youssouf a donc péri en martyr. Et dorénavant, ce sont les tueurs qui vont être en première ligne. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les tueurs, a dit Monsieur X, sans empiéter sur son récit. Voici ce que j'ai trouvé dans un journal nigérian, The Punch. Qu'est-ce qui motive ces tueurs ? La pauvreté ? Non. C'est bien plus qu'une révolte des pauvres contre les riches, puisqu'ils massacrent indistinctement des riches et des pauvres. C'est plus qu'une guerre religieuse, puisqu'ils assassinent aussi bien des chrétiens que des musulmans. C'est une idéologie à laquelle ils ont été soigneusement préparés par un endoctrinement, un enseignement, des prêches et une soumission spirituelle. Le dictionnaire définit l'idéologie comme un ensemble de doctrines, de mythes et de croyances qui guident un individu ou une classe sociale. Celle de Boko Haram s'appuie sur des dispositifs, des méthodes et des plans d'action qui lui sont propres. Et le groupe a malheureusement fait du massacre des infidèles l'un des grands axes de son action idéologique. Un kamikaze n'a pas peur de mourir. Dans son esprit, mourir est au contraire un privilège. Après l'assassinat de Youssouf, les combattants de Boko Haram se sont provisoirement repliés dans les pays voisins. Et c'est très préoccupant, car les membres de la secte sont alors vraisemblablement pris en charge par la mouvance djihadiste internationale. Certains obtiennent même des bourses d'études délivrées par des pays arabes. Et quand reviennent-ils ? Dès leur retour clandestin en 2010. Ces cadres sont plus que jamais décidés à attaquer l'État fédéral et ses structures. Aussi, dans un premier temps, les autorités locales essaient de composer. C'est-à-dire ? Elles achètent la paix. En accordant des subsides à Boko Haram. En effet, ouais. Mais ça ne peut pas durer très longtemps. Ouais, parce que le pouvoir fédéral doit s'y opposer. Non ? Et qu'un véritable climat insurrectionnel gagne peu à peu les États du Nord et de l'Est. Les actions menées par Boko Haram sont de plus en plus spectaculaires. À la fin 2010, ces combattants donnent l'assaut à une prison et libèrent plusieurs centaines de prisonniers, dont de nombreux membres de la secte. Et même la capitale Abuja n'est pas à l'abri. En août 2011, une bombe explose au siège de la représentation des Nations Unies. 24 personnes sont tuées. Ah, mais c'est la guerre ouverte. Oui, désormais la lutte est implacable entre les clandestins de Boko Haram et les forces de sécurité. On assiste donc à un vrai carnage. Aux attentats à la voiture piégée, aux attaques de commissariats, la police et l'armée nigérienne ripostent en exécutant des suspects ou des parents de membres supposés de la secte. C'est innocent donc. Et cette férocité est d'autant plus grande que la plupart du temps, les soldats sont issus du sud chrétien. Ah oui, ils ne prennent pas de gants avec les musulmans du nord. Oui, d'autre part, et sans vouloir disculper Boko Haram, il faut bien observer que toutes les victimes sont mises au compte de la secte. Alors même celles qui sont tuées par les forces de sécurité. Oui, cette injustice augmente les rangs de la secte en jeunes hommes issus des quartiers pauvres des villes. Autre observation. Jusque-là, Boko Haram s'attaquait principalement à la police et aux autres mouvements musulmans accusés d'être trop tièdes. Mais dorénavant, elle va s'en prendre aux chrétiens. Oui, les attentats contre les églises. Au cours du deuxième semestre 2011, on estime que Boko Haram aurait tué un demi-millier de fidèles. des assassinats que la secte n'hésite pas à revendiquer au nom de sa lutte pour l'application intégrale de la charia dans tout le pays et l'abandon de la laïcité. Par rapport au combat que conduisait Youssouf avant son assassinat, là, il y a donc une nette accélération. Hein. Et même un changement de stratégie. Ce que cherche maintenant Boko Haram, c'est à créer une situation de violence extrême, en exacerbant les affrontements religieux. Mais avec quel objectif ? Les responsables de la secte doivent estimer qu'en obligeant les autorités à user d'une répression toujours plus brutale, et même en poussant les chrétiens à se livrer à des actions de représailles, Boko Haram apparaîtra comme le seul leader des masses musulmanes du pays. Et cette politique est incarnée par son nouveau chef, Aboubakar Shaikh. Qui est celui-là ? C'est un type encore jeune, très noir de peau, portant une courte barbe. L'homme dissimule ses cheveux sous un keffieh et sous son gilet pare-balles. Il porte le kamis blanc des salafistes. Naturellement, lors de ses rares apparitions, il a une kalachnikov à portée de main. Ce fondamentaliste radical a la réputation d'être très violent, et même un peu paranoïaque. Mais surtout, il n'a ni les épaules, ni l'éloquence de Youssouf. Autre caractéristique, il reste surtout préoccupé par les problèmes intérieurs nigérians. Pas de vision internationale ? Et donc aucune volonté apparente de s'insérer dans la mouvance djihadiste. Pourtant, c'est bien Cheikhou qui va être à l'origine de l'enlèvement d'une famille française là, au Nord Cameroun. Sans doute, oui, à moins que cet enlèvement n'ait été perpétré par une branche encore plus radicale, la Vanguarde pour la protection des musulmans en Afrique noire, plus connue sous le nom d'Ansarou. Celle-là est clairement djihadiste. Et elle a récemment joué un rôle au Mali, aux côtés d'Acmi. Peut-être même a-t-elle tissé des liens avec les chebabs somaliens. Enfin, revenons au sol Nigeria. Depuis 2011, la violence au nord n'a guère cessé. Des exemples ? Le jour de Noël, un triple attentat est perpétré contre des chrétiens sortant de la messe, dont un dans la ville de Damaturu. Une agglomération où faisaient rage depuis plusieurs jours des combats de rue entre insurgés islamistes et forces gouvernementales qui avaient bouclé des quartiers entiers pour y déployer des blindés. Ouais. L'attentat a donc été commis là, en dépit de cette forte présence des forces de sécurité. Et ça en dit long sur la puissance de Boko Haram, mais sa pénétration au sein de la population. Car lors du mois précédent, Damaturu avait déjà connu une série d'attaques meurtrières de Boko Haram contre des églises, des postes de police et même des fidèles sortant des mosquées. 150 morts au total. Et ça continue en 2012 ? Et pourtant, au début de l'année, le nouveau président, Goodluck Jonathan, a décrété l'état d'urgence dans le nord du pays et y envoie ses forces spéciales pour y rétablir l'ordre. Ouais. Mais face à toutes ces exactions, là, est-ce que le pouvoir marque quand même des points. Pas vraiment. En juin, le chef de la police nigériane se vante un peu imprudemment de pouvoir réussir à liquider la secte en moins de 15 jours. Mais quelques heures après cette déclaration, une bombe explose devant le QG de la police à Abuja et provoque 2 morts. Et peu de jours plus tard, à la mi-juin, 3 attentats kamikazes sont perpétrés contre des églises du Nord. On dénombre plus de 50 morts. Et les autorités semblent donc impuissantes. Et ce qui est plus grave, leurs forces continuent à tuer à l'aveuglette. Fin octobre, 30 jeunes gens sont tués à Maïdougouri. Et le lendemain, on compte encore 40 autres victimes. Le résultat, c'est que les populations civiles du Nord sont prises entre deux feux. Oui, entre les exactions des forces nigériennes qui vont crescendo. Oui, et celles des terroristes de Boko Haram. Oui, mais elles ne savent plus qui il faut craindre le plus. Et puis, il faut aussi compter avec Ansarou. En 2013, cette branche radicale s'en prend à des militaires nigérians qui se préparaient à partir pour le Mali. Puis ce sont des travailleurs humanitaires qui tombent sous les balles des tueurs. Enfin, le 18 février, 7 travailleurs étrangers sont enlevés sur un chantier. Ils seront exécutés un peu plus tard. Et la réponse du pouvoir ? Manifestement, elle n'est pas à la hauteur. Quand toujours, en 2013, le gouvernement ordonne le bombardement de villages suspectés d'abriter des membres de Boko Haram, il ne fait qu'encourager la vengeance de la secte qui riposte, en rasant entièrement d'autres villages. Et de plus en plus nombreux sont les Nigérians qui mettent en cause la compétence, sinon l'honnêteté de leurs dirigeants. Et c'est particulièrement vrai depuis l'enlèvement des lycéennes à la mi-avril 2014. Mais là, on a quand même assisté à une véritable prise de conscience. C'est vrai, et l'émotion a gagné le monde entier, surtout quand Sheiko est apparu dans une vidéo où il menaçait de réduire ces jeunes filles en esclavage et de les marier de force. Oui, mais concrètement, alors, que peut-il se passer désormais ? Bah, il est évident qu'une action de force risquerait d'être fatale pour ces lycéennes. Donc, malgré la volonté affichée des autorités nigériennes de négocier, on en arrivera forcément là. Et la mobilisation des puissances occidentales, États-Unis, Grande-Bretagne et France, peut-elle donner des résultats ? J'en doute, car pour l'instant, elles ne peuvent fournir au Nigeria que des informations grâce à leurs drones et autres satellites. Mais ça ne suffira pas à détruire Boko Haram. En réalité, n'en doutons pas, si l'Occident a décidé de venir en aide aux Nigérians, c'est pour garantir ses intérêts et éviter la contagion. La contagion islamiste. Et terroriste. De ce point de vue, soyons cyniques. L'affaire des lycéennes est arrivée à point nommé. D'abord, pour obliger les autorités nigérianes à prendre le combat contre Boko Haram à bras-le-corps. Et ensuite, pour faire en sorte que les pays voisins prennent leur part dans cette lutte, au lieu de laisser les Nigérians se débrouiller tout seuls. Car ils pourraient être eux aussi menacés. Le Cameroun, par exemple, ou encore le Niger, qui est une proie toute désignée pour Boko Haram ou sa filiale Ansaru. Le Niger, où Areva extrait l'uranium nécessaire à nos centrales nucléaires. Eh oui, et du même coup, on comprend mieux pourquoi Paris s'est impliqué dans cette affaire. À samedi prochain et à la suite de Rendez-vous avec X consacré à Edgar Snowden et aux lanceurs d'alerte, j'ai oublié de vous mentionner l'analyse concise et lumineuse d'Olivier Chopin « Comment l'Amérique espionne-t-elle le monde ?» aux éditions Icarie. Et puis bien sûr, coédité par France Inter, « Les grandes mystifications de l'histoire ». Sur franceinter.fr, vous pourrez nous joindre. Cette émission a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Biou et mise en musique par l'excellent Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2 mon amour de Denis Chessou.